c'est du Moubarak. Ça, c'est écrit à la rage. Ouais. C'est hardcore, ça, comme un vol à la rage. Goya ma foi, y'a tous les faux qui s'arrachent. Goya mon flow, ça fait tout vite tous les bas. C'est du Moubarak. Ça, c'est écrit à la rage. Ouais. C'est hardcore, ça, comme un vol à la rage. Goya ma foi, y'a tous les faux qui s'arrachent. Goya mon flow, ça fait tout vite tous les bas. J'ai un pied dans la merde et mon flow sous du triste. Ma grecque, on se démerde, y'a cet œil qui nous piche. Dans le hall, le béto se fait aspirer. Voilà pourquoi ton autre tête en speed, ça part en furie. On cessera jamais de représenter ces mecs coincés, ces mecs blessés. C'est trop la merde, c'est trop rincé, c'est trop pété, c'est trop la chienneté. J'ai cru tenir mon avenir dans mes mains. J'ai laissé glisser, je l'ai vu tomber dans le fond. Passer l'équipe avant les amis. Casser mes tripes pour viser plus loin que la lune. Le palu, j'étais à Darkor comme j'étais à droit. Pardon, mange pas de lardon, parle bon argot. C'est du rap de Parjo, du 1009 Lamborghini. C'est du Moubarak, c'est du Moubarak. Ça, c'est écrit à la rage. C'est hardcore, ça, comme un vol à la rage. Goya ma foi, y'a tous les faux qui s'arrachent. Goya mon flow, ça fait tout vite tous les pas. C'est du Moubarak, ça, c'est écrit à la rage. C'est hardcore, ça, comme un vol à la rage. Goya ma foi, y'a tous les faux qui s'arrachent. Goya mon flow, ça fait tout vite tous les pas. Oh, comme mon niveau, c'est le son des caniveaux. Mes rivaux, je les efface juste en passant un coup de bigot. Reviens l'équipe, c'est Moubarak et Arafat. Quand je prends le match, les auditeurs m'appellent la rafale. Avec ou sans cagoule, dans le rap, j'opère un doigt à la patrouille. Avec le sourire du Joker. Dans le rap, on me compare à un Joker. Mon rap est trop stylé, moi je ramène mon Moonwalker. Mes phrases ont l'impact d'un point d'un boxeur. Comme les gars de la scène sur mes textes, je suis un bosseur. Parce que le temps, je le compare à du vent, mais les deux. Passe vite, vite, mais sans se précipiter. Éviter les poulets qui te ramènent vers le fond. Qui t'arrachent tous tes plans et te prennent pour un con. Plante d'enfoiré, c'est Moubarak Talé. C'est Moubarak Tala, c'est Moubarak Tala. C'est du Moubarak, ça, c'est écrit à la rage. C'est hardcore, ça, comme un vol à la rage. Goya ma foi, y'a tous les faux qui s'arrachent. Goya mon flow, ça fait tout vite tous les pas. C'est du Moubarak.